nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Fifine, Anatole, Rosemée, Roculo, Frisette, Sucre d'Orge, quelques personnages des bas-fonds de Paris. Les enfants, on a appris que la vie des enfants n'est pas toujours très drôle. Certaines gens ont le droit de martyriser les enfants très légalement, mais personne n'a le droit de les soustraire à leur bourreau illégalement. D'où difficulté, d'où pour le romancier et avant tout chansonnier Aristide Bruand, une chance, on ne fait pas de bonne littérature ou de bonnes chansons, seulement avec de bons sentiments. Voici les 22e et 23e épisodes du feuilleton, diffusés au début des années 80 sur France Culture, d'après le roman « Les bas-fonds de Paris ». Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 22e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et Francine Bouffard, Manuel Duxet, Pierre Trabot, Rosine Favet, Martine Régnier, Pierre Constant, Monique Thierry, Dominique Paturel, Paul Leperson, Claude Nicot, Daniel Collat, Jean-Jacques Stine, René Renaud. Réalisation Claude Roland Manuel. Chers clients et tas de cochons, ce n'est pas que j'ai pitié de vous. Après tout, rien ne vous force à m'apporter votre pognon. Mais pour les sosses qui rêvent de vacances, au grand air et à bon marché, voici l'hôtel du tapis vert. Après toi, Marius. L'été, je suis plus chouette que l'hiver. Je couche à l'hôtel du tapis vert. Je peux marcher sous le grand ciel bleu et m'isoler dans la nature. Je vois les couchers de soleil en feu. Je trouve ça plus bas que de la peinture. J'entends le chant de la source où que je bois. Il est plus sacré qu'un cantique. Et quand je m'arrête au coin d'un bois, c'est les petits oiseaux en musique. L'été, je suis plus chouette que l'hiver. Je couche à l'hôtel du tapis vert. Moi j'aime ça, dormir dans les prés. Le foin c'est plus moelleux que la toile. Et puis dans les cieux azurés, souvent j'aperçois une étoile qui vient se placer juste au-dessus de moi. J'y dis bonsoir à la fileuse et je m'endors heureux comme un roi. C'est le bon Dieu qui paye la veilleuse. L'été, je suis plus chouette que l'hiver. Je couche à l'hôtel du tapis vert. Garin, le cheminot, s'est réfugié dans une guinguette de la forêt de Meudon avec sa petite protégée, Rosemée, dite Ficelle et qu'il appelle Frisette. La fillette possède un bavoir de nourrisson brodé au nom de Rosemée qu'elle portait bébé chez Fifine Chopin. Tommy Turnip rejoint Garin. Il lui révèle incidemment que la petite fille de Jean Robin, enlevée jadis au berceau, se nomme Rosemée. Garin établit fatalement une corrélation entre le prénom Rosemée et la petite chiffonnière. Tandis qu'ils se restaurent tous les trois... Chut ! Ne bougez pas. Garin, mon vieux ! C'est moi, la docteure d'orphelin. Oh ! Ah, le vieux philosophe ! L'ancien président de la haute cour. Eh ben, entre l'ancien. Allez, entre. Tu arrives juste pour casser une petite graine. C'est pas de refus. Quand j'ai aperçu notre ami Tommy, je me suis gouré que t'étais pas loin. Je vais te dénicher un domicile de Rupin. Ah dans bon? Un champ, à l'orée du bois. Un abri en paille qui a servi au moissonneur. Ah, l'ancien. Mais au fait, qu'est-ce que tu fous dans la forêt de Meudon? C'est pas ton coin habituel. Je pilonnais le long de la Seine du côté de Sèvres, dans l'espoir de trouver une arche de pont plus hospitalière que celle de Paname, sous lesquelles tous les soirs les flics vous ramassent comme des escargots. Mais c'est pas mieux. Je me suis dit que les guinguettes allaient rouvrir et qu'il y aurait de quoi mendigoter. Bien m'en a pris de venir fouiner par ici, mon vieux garin. Depuis quelques jours, dans le bois, ça sent la rousse. Et même, il me semble bien avoir reluqué cette casserole d'Anatole. Ouais, je suis de ton avis, l'ancien. Il y a de la pestaille par ici. Ah oui. Ouais, un surtout que j'ai vu, il me semble bien, quand on nous a foutu en l'air à Malakoff. Oh, garin, mon fils, t'as raison. Veille bien sur ta gosseline, la lâche pas d'un cran, hein. Je vais me tirer avec Frisette. Ouais. Et pas demain matin, pas cette nuit. Ce soir, tu m'entends? Hein? Je me fais fort de semer n'importe qui dans le bois. Tommy, tant pis pour tes copains, tu nous suis. Je ne voudrais pas te faire de la peine, mais tu as ramené trop de monde pour le bonheur de Frisette. Garin, le cheminot est comme ces pauvres cabots qui courent le long des routes, sans maître et sans collier, sans muselière et sans paletot. C'est vrai, dans l'histoire de ma Frisette, l'ancien, il y a comme qui dirait un mystère. Ah. Je n'entrave qu'une chose... On me la chopperait si on pouvait, mais on ne me la chopera pas. Hein? Allez, oust! Allez, mon sac au dos, mon bâton à la main, ma chanson aux lèvres, en route! Ah, Frisette, ma mignonne, il faut recoucher Polichinelle dans son baluchon. Ah oui, il nous faut repartir. On est obligé de quitter la jolie maison au bord de l'eau? Mais son propriétaire va y revenir. Et puis, quelque chose me dit que tu vas en retrouver une autre beaucoup plus jolie. Ah oui. Mais pour ça, il faut partir tout de suite. Dis donc, l'ancien, je vais dans la direction de Vélizy et de Villacoublay, sur la route de Versailles à Choisy. Oui, je connais un abri de cantonnier que je sais comment ouvrir. Nous y passerons la nuit avec la petite et peut-être bien quelques jours afin de voir venir. Bon, moi, je branche pas d'ici. S'ils viennent, je leur indiquerai la direction contraire. Vu. Allez, installe-toi jusqu'à ce que le patron de la guinguette ramène son nez. Bah, il t'emploiera peut-être. Tommy, file le premier. Et en silence, vers les forêts de droite. Je te rejoins. Merci à toi, le président. Et à l'automne prochain. Ah, ne sois pas en retard, mon vieux. Parce qu'à mon âge, il n'y a plus un jour à perdre. Ma petite sucre d'or, je t'ébatte. Tu me bottes drôlement, tu sais. Ah, tu pourrais être dans un bon lit à pioncer. La loi, elle dit comme ça que la femme, elle doit jamais lâcher son petit homme. Bon, c'est pas le tout de se bécoter, hein. Je suis là pour turbiner. Le grand dépendeur d'andouille au banjo, il nous a conduit à la guinguette que tu zgutes là-bas au bout de l'Ursine. Il y avait un homme et une môme. Faut que j'aille y voir de plus près s'il s'agit bien du garin et de la ficelle, tu piges. Et comment tu pourras t'approcher sans te faire repérer? Ah, en me glissant à travers les roseaux, j'aurai de l'eau jusqu'aux épaules s'il n'y a pas de trou. Mais le jeu en vaut la chandelle. Il y a une petite lucarne ouverte du côté de l'étang. J'ai bien tout repéré. Il y a même des planches mal jointes. Alors, en me hissant doucement sur les pilotis, je pourrais gogner et se gourder aussi peinard que dans une nage ambiguë. Allez, va prévenir les autres. Faudra peut-être agir sans déhoter. Pourvu que j'attrape pas la grève. Bon, une traction pour m'amener sur la poutre. Là! Ah! Il y a une sacrée fente, hein. Bon, me v'là comme qui dirait sur la Seine. Mais qu'est-ce que c'est que ce vioque? Oh, c'est le ramasseur de mégots de Malakoff. Bon, je vois à gauche. Et en me déplaçant, je vois à droite. Oh, mais personne ne jacte, hein. Naturliche, il est tout seul, le vieux. Merde. Ils sont taillés à notre blaire. Même le rameneur au banjo s'est esbigné. Il a beau faire 2 mètres, un noir dans le noir, hein, ça reste noir. Ah, le ragdale, il va nous la pousser, la chansonnette. Et passer la bruant. Vous allez l'entendre, ma chansonnette, bande de sauteurs. T'as comme empaillé, on fait pas mieux. Toi, le chabanais à New York, comme un meudon, toujours aussi con. Oh, je suis pas le seul. Et eux autres, ils ont pas exporté leur connerie de l'autre côté de la Maroaran. Et je peux pas me passer de vous dans cette affaire Rosémée. Anatole, parce qu'il a connu l'affaire en son temps. Toi, Bibi, parce que tu te souviens de Rosémée et que tu peux l'identifier. De même, Reculo, qui a passé son enfance avec elle. Bon, je vous demande pas votre avis. Vous marchez. Et voilà ce que j'ai gambergé et décidé. Il y en a sa claque de courir après Garin et Rosémée. Le cheminot, on le reverra qu'après les vendanges, donc pas avant l'hiver. Il n'a sûrement aucune idée de la véritable personnalité de celle qu'il appelle Frisette et que la fifine Chopin appelait, elle, Ficelle. Sans quoi il se comporterait autrement. Pourquoi s'en tenir à cette gosseline qui nous file toujours entre les doigts? Elle finit par nous obséder, alors que n'importe quel môme peut faire l'affaire. Les preuves. Et les témoins. Oh, hé, c'est nous les témoins. Personne n'a revu Rosémée depuis 10 ans. Toi, Anatole, t'es au courant de la substitution d'enfant. Suzanne Damour a dit à Jean Robin qu'elle avait mis en cheville le comte de Charmeuse avec un certain Ragdale, ma pomme. Même qu'il continue à l'entretenir dans l'espoir que j'irai relancer la demi-mondaine. Toi, Bibi, tu peux jurer que la gosse qui a aujourd'hui 10 berges est la même que tu m'as vu confier à ta mère, Fifine, lorsque tu avais 12 ans, et avec laquelle tu as vécu 4 ou 5 ans. Et il manque plus que la gosse. Rosémée, la voilà sous vos yeux. Sucre d'orge. Quoi? Tu me fous, sucre d'orge? Moi, l'héritière? Que dalle! Je veux pas lâcher mon reculo. La ferme! Tu feras ce que je te dirai. Écoute le dab. Tu feras ce que je te dirai. T'es vache, mon petit roquet. Tu viendras me voir au moins? Des nefles. T'attendras les ordres. Le fric, d'abord, les sentiments, ensuite. Oh, t'es gonflé, Ragdale. Ben, tu crois que sucre d'orge tiendra la relance? Je veux. Et ça vaudra mieux pour son matricule. Je serai toujours plus à la cool que vous, casserole. Juge son langage. Et alors? Et alors, Jean Robin s'attend pas à ce qu'on lui livre une Rosémée sortie du couvent. N'empêche que t'as intérêt, sucre d'orge, à mettre la pédale douce. Reculo, t'entraves? À partir d'aujourd'hui, sucre d'orge devient Rosémée, dite Ficelle, ta petite sœur bien-aimée, et non plus ta ménesse. Et dès maintenant, tu l'éduques sur votre enfance passée, et pas de gourance. Ah, y a pas à dire, hein, le DAP, c'est quelqu'un, hein, Bibi? Monsieur de l'Excelsior, nous rattrapons Garin le cheminot, Frisette et Tommy 48 heures plus tard sur les bords de l'Yvette, pas très loin de Ballainvilliers. Tandis qu'au matin, Rosémée dort encore, souriant aux anges, bercée par le banjo de Tommy, Garin, qui a passé une fort mauvaise nuit, gamberge. Frisette, ma mignonne, si tu savais combien je t'aime. Tu fais partie intégrante de ma vie. Je t'aime comme si tu étais réellement ma fille. Et tu m'aimes, toi, ma Frisette chérie, comme si j'étais ton père. Maintenant, tu es à l'abri des tentatives criminelles. Mais, comme ton pauvre cheminot est triste. Ah, bougre d'imbécile. Tu croyais donc qu'elle resterait toujours avec toi? Une belle existence, ma parole. Passer l'hiver dans des cases à bifin, l'été à courir sur la grande route, et tu prétends aimer Frisette. Et ça t'embête de savoir que sur le coup de midi, ce sera peut-être une demoiselle vivant dans un château où elle aura tout à gogo. Allez, apprête-toi. Tôt ou tard, il aurait fallu se quitter, mais c'est plus tôt que tu ne pensais. Voilà tout. Est-ce que tu vas rechigner à présent? La réponse à toutes mes hésitations est simple. Je reviens au château de Ballainvilliers. Je sonne à la grille. Monsieur, madame, il y a des années et des années que vous cherchez votre petite fille, et bien moi, Garin, le cheminot, je vous l'amène. La voilà. Et pour ma peine, laissez-moi l'embrasser. Adieu, fillette. Aime bien ton papa et ta maman. Adieu, monsieur, madame et la compagnie. Le cheminot s'en va, sac au dos, bâton à la main, sa chanson aux lèvres. Seulement, il chante pas de bon cœur. Vieux fou, mais qu'est-ce que t'as à pleurer? Tu croyais donc que ça durerait toujours? Apprends donc que rien ne dure en ce monde. Tout finit. On se quitte quand vient la mort. Et il n'y a pas d'amour qui tienne. Bonjour, mon papa Garin. Bonjour, fillette. J'ai fait un joli rêve, avec de la musique. C'est Toto Tommy qui jouait. Qu'est-ce qu'il a dit, mon papa? T'es tout drôle. Dommage, nous ne sommes plus dans la jolie petite maison du bord de l'eau. Tu sais pas, dans mon rêve, j'étais dans une grande et belle maison, au milieu de beaux jardins, pleins de fleurs, comme on en voit sur les images. Et j'étais une petite fille comme je suis maintenant, seulement j'étais bien mise, comme les petites filles qui ont des papas et des mamans avec beaucoup d'argent. Une belle dame me tenait la main et me souriait. Et il y avait auprès d'elle un monsieur très bon qui me donnait de beaux sous en or pour les mettre dans les mains des pauvres. Mais j'étais triste parce que papa Garin n'était pas avec moi dans le beau jardin. Oh, oh. Si papa Garin n'était pas avec toi, fillette, dans le jardin plein de fleurs, en compagnie du monsieur et de la belle dame, c'est qu'il devait être derrière la grille, au milieu de la route poussiéreuse. C'est là sa place. Pas pour mendier, mais pour marcher, en portant son sac et en chantant l'Alléluia du cheminot. Non, dans mon rêve, papa Garin n'était pas sur la route. Papa Garin chantait plus. C'est drôle. Juste au moment où je la ramène à ses parents, qui sont riches. Pauvre mignonne, elle va être heureuse à présent. Ah, c'est pas trop tôt après tant d'années de misère. Mais pensera-t-elle encore à moi? Pourtant, elle est triste parce qu'elle ne me voit plus. Étrange. Ça me rend tout drôle, cette histoire de rêve. On dirait que c'est mon dernier jour. C'est bête. Et il me semble que je vais lui dire. Ah non? Non, ce serait une surprise. Si par hasard il y avait une erreur, oh, quelle déception. Il faut éviter une fausse joie, et à ce brave Tommy également. Ce n'est pas mon secret, mais celui de Frisette et celui de ses parents. Je n'ai pas le droit d'en jaspiner, même avec mon frangin Tommy. Car lui, si elle est vraiment la fille de Jean Robin, il pourra continuer à la voir. Moi, ah, tout à l'heure, Garin le cheminot jouera sur le grand théâtre de la vie le rôle de la Providence. Prenez vos places, ça ne coûte rien. Gratis pro deo. En route pour la dernière étape. Debout, paresseux. Ah, voilà, voilà. Allez, Tommy, joue-nous un air entraînant. Ok. Voilà. Une cresson dont la rivière est pleine. Pour qui donc pousse tout cela? Pour le cheminot qui passe par là. Dixit Dominus au premier cheminot. Dixit Dominus au premier cheminot. Allez manger. Bravo. Où allons-nous, dit Papa Garin? Où allons-nous? Dans de beaux jardins où Frisette se promènera toujours avec un bon monsieur et une belle dame, où elle sera heureuse. Plus heureuse que n'importe quelle petite fille. Où elle aura de belles toilettes, où elle cueillera de jolies fleurs. Elle... Mais c'est dans mon rêve que tu mènes, dit mon papa. Ah bah oui. Oui, bah tu dis vrai, fillette. C'est dans ton rêve que je te mène. Je suis bien contente. Alors j'allonge le pas en faisant mon possible pour marcher vite. Vite, comme mon papa Garin qui me mène à mon joli rêve. Maintenant, Garin, Rosémée et Tommy longeaient les murs entourant une immense propriété qui s'étendait le long de la route entre Sceaux-les-Chartreux et Ballainvilliers. Tout à coup, l'enfant s'arrêta, leva la tête et regarda avec un air d'admiration et d'envie. Oh, vois donc, mon papa Garin. Mais qu'est-ce qu'il y a, fillette? Les bolilas, comme dans ta chanson. Il te ferait plaisir, ma mignonne? J'aime tant les fleurs, j'en étais privée, tu sais, avec la méchante femme. Attends un peu, je grimpe te les chercher. Le mur n'est pas assez haut et puis il est en mauvais état. Et je vais attraper une belle branche de lilas pour ma petite fille adorée. Ce serait le diable si le proprio était juste derrière. Et puis, quand même, une branche de lilas, c'est pas la mort d'un homme. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Au jardin de mon père... C'est un bouquet que je lui donne pour mes adieux. Dans 5 minutes, je sonnerai à la grille du château de Ballainvilliers. Et ça sera fini. Frisette entrera dans son existence nouvelle, dans son bonheur, en tenant dans ses menottes le bouquet de lilas de son papa Garin. Et me blâche mal sur le fait du mur, Frisette. Pour qui donc pousse tout cela? Pour le cheminot qui passe par là. Ah oh, mais mon frangin! Papa Garin! Oh. Papa Garin! Mon bon papa Garin! Mon frangin! On m'a tué, papa Garin. Mais... Oh là là! Tout ce que tu peux prendre est à toi. Mange à ta faim, bois à ta soif. Il disait cela, mon frangin Garin. Prends pour respirer leur parfum. Les fleurs sur la route. Oh là là là là. Pour qui donc pousse tout cela? Pour le cheminot qui passe par là. Oh mon Dieu, arrêtez. On dirait... Une enfant penchée sur quelque chose. Mais c'est un homme qui est étendu là, sur la route. Je vois du sang. Il est blessé. Mais c'est Tommy! Sylvain, aidez-moi à descendre. Est-il arrivé? Mon bon Tommy, comment vous trouvez-vous là? Qui est cet homme? Mon frangin Garin. Madame Adrienne, ils l'ont tué. On m'a tué, mon pauvre papa Garin. Il est si bon. Ah oui. Hélas, ma chère amie, ce malheureux est mort. Il a été assassiné d'un coup de feu. Ma pauvre petite, relevez-vous. Il me semble. N'est-ce pas la petite fille que nous avons secourue devant la crèche Rosémée? Mais oui. Dieu soit loué, nous l'avons retrouvée. Venez avec moi, je prendrai soin de vous. Et on me l'a tué pour une branche de lilas qu'il voulait me donner. Qu'il était allé chercher dans ce beau jardin en montant sur le mur. J'ai vu des gens méchants qui me battaient, qui m'enfermaient, qui me faisaient les mille misères. Et j'aurais jamais cru qu'il remonte des gens assez mauvais pour tuer mon bon papa Garin. Il n'a jamais fait de mal à personne. Et les sanglots la reprirent tandis que Jean Robin, son valet de pied et Tommy transportaient le cadavre dans la voiture. et la calèche partit au pas, comme un char funéraire. Frisette suivait, les yeux noyés de larmes, tenant précieusement son petit baluchon et la branche de lilas pour laquelle Garin était mort. Jean Robin et Adrienne de Charmeuse marchaient auprès d'elle. Tommy, désemparé, faisait pleurer son banjo. Garin, le cheminot qui toute sa vie était allé à pied, se baladait à présent dans un carrosse, comme un rupin. Ironie de la vie et de la mort. Il brunait, et le temps était gris. On ne voyait plus le ciel. L'atmosphère, semblant suée au-dessus de Paris, tombait embuée sur la terre. Il soufflait quelque chose, on ne sait d'où. C'était ni du vent, ni de la bise. Ça glissait entre le col et le cou, et ça glaçait sur notre chemise. Nous marchions devant nous, dans le brouillard, on distinguait des gens maussades. Nous, nous suivions un corbillard emportant l'un de nos camarades. Bon Dieu, que ça faisait froid dans le dos. Et puis, c'est qu'on n'allait pas vite. La moelle se figeait dans les os. Ça puait le rhume et la bronchite. Dans l'air, il n'y avait pas un moineau, pas un pinson, pas une colombe. Le long des pierres, il coulait de l'eau. Et ces pierres-là, c'était sa tombe. Et je me disais, pensant à lui, j'avais vu rire au mois de septembre. Bon Dieu, qu'il aura froid cette nuit. C'est triste de mourir en décembre. J'ai toujours aimé le bourguignon, il me sourit chaque fois qu'il s'allume. Je voudrais pas avoir le guignon de m'en aller par un jour de brume. Quand on s'est connu le teint vermeil, riant, chantant, vidant son verre, on aime bien un rayon de soleil, le jour où ce qu'on vous porte en terre. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Steen, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 22e épisode, avec Jean-Roger Caussimon, dans le rôle de Bruant, et Francine Bouffard, Rose Aimée, Manuel de Cset, Tommy, Pierre Trabeau, le vieux philosophe, Rosine Favet, Roculot, Martine Régnier, Sucre d'Orge, Pierre Constant, Jean Robin, Monique Thierry, Adrienne, Dominique Paturel, Ragdal, Paul Leperson, Anatole, Claude Nicot, Monsieur Chabanet, Daniel Collat, Bibi, Jean-Jacques Steen, Garin, René Renaud, le journaliste. La rue Saint-Vincent, par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouly. Et Michel Gesina, au banjo. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Cet épisode, le 22e, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 29 septembre 1981. Le 23e, ce fut le lendemain, 30 septembre. Le voici. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle. Sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Steen. d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 23e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Monique Thierry, Pierre Constant, Francine Bouffard, Dominique Paturel, Martine Régnier, Manuel Duxette, Janine Darcet, Rosine Favet, Jean-Jacques Stein, René Renaud. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Ben, mon colon, vous fumez pire que des locomotives. Vous ne pouvez pas aller vous aérer et faire du sport au lieu de vous tasser comme des harengs dans la saumure. Je vais quand même vous transporter sous les frondaisons du bois de Vincennes. Allez, en voiture, Marius. Les rupins, ils s'en vont l'été, au bain de mer chacun de leur côté, pour respirer en liberté et reprendre haleine. Moi, je peux pas me payer les bains de mer, pour mes cirons, je prends le chemin de fer, et je vais respirer un vol d'air au bois de Vincennes. On livre à guerre de gens au sac, quelques rentiers autour du lac qui promènent leur mal d'estomac et leur bedaine. Mais quand arrive la belle saison, il y a des ouvriers à foison qui viennent se les caler sur le gazon au bois de Vincennes. Aussi le soir quand ils sont partis, on trouve des coups de poulet rôti, des restes de dessert assortis et de porcelaine. Des boîtes à sardines, des litrons, vide ou cassé, des bouts de citron, des petits journaux et des étrons au bois de Vincennes. Une heure après, sous les massifs, c'est les purotins des fortifs qui se glissent avec des airs craintifs dans la garenne. Les profogueux sans feu ni lieu, qui trouvent de quoi se faire un bon pieu sous l'œil caressant du bon Dieu au bois de Vincennes. Si je me souviens bien, Monsieur Bruand, Garin le cheminot, repéré par la bande à Ragdale, fuit la forêt de Meudon en compagnie de Frisette et de Tommy Turnip. Entre les confidences de celui-ci et la découverte d'un bavoir brodé au nom de Rose-Aimée dans le baluchon de Frisette, Garin acquiert la quasi-certitude que sa fille adoptive, Frisette, est Rose-Aimée, la fille de Jean-Robin et d'Adrienne. Après bien des tergiversations, il se résout à prendre le chemin de Balainvilliers sans révéler son secret à ses deux compagnons, dans la crainte de leur infliger une cruelle déception. Malheureusement, à proximité de la propriété du milliardaire, Garin, pour une branche de lilas, est tué par un garde qui le prend pour un maraudeur. Jean et Adrienne adoptent ainsi la petite chiffonnière qu'ils ont si longtemps recherché depuis cette nuit d'hiver où ils ont fait sa connaissance à la crèche Rose-Aimée, rue de Vanves. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde... Écoute, Jean. Enfin, elle chante. Frisette est un rayon de soleil. Mon rayon de soleil. Heureusement que Tommy est là pour la distraire. Si c'était au ciel, quand j'y pense. Et puis non, je ferme mon âme à ce vent de folie. Cela ne peut pas être. Je me raisonne et je me fais des reproches parce que si j'avais notre fille ici, auprès de nous, jouant et chantant ainsi, eh bien je crois qu'il me serait impossible de l'aimer plus que je n'aime cette pauvre créature prise par charité. Et qu'il nous faudra rendre à la première réquisition. Aux gens qui nous la réclameront. Des misérables, peut-être. Jean, cette pensée me fait un mal que je ne saurais expliquer. Ma chère amie, qui pouvons-nous? La loi est la loi. La mairie ne nous l'a confiée que sous condition. Cela dit, à la gendarmerie, on ne s'est même pas intéressé à la petite fille qui accompagnait cette graine de vagabond. Tout ce que nous avons pu tirer de Frisette, c'est que l'homme qu'elle appelle Papa Garin n'était pas son père. Adrienne, cette femme à laquelle le Papa Garin l'avait enlevée, crois-tu que c'était sa mère? Impossible. Quand je pense au traitement barbare que l'ignoble mégère faisait subir à Frisette, que par cette terrible matinée d'hiver, elle ait osé la dépouiller des vêtements dont nous l'avions habillée, et pour boire. Il y a tout de même de braves gens en ce monde. Elle l'aimait bien, son cheminot. Avant-hier, quand je l'ai amené dans la chambre destinée à notre rose aimée, afin de lui faire une jolie robe, j'ai tout naturellement voulu lui prendre son petit baluchon dont elle ne se sépare jamais. Elle a eu un air presque craintif. Non, madame, s'il vous plaît, n'y touchez pas, je vous en prie. C'est mes souvenirs, faut pas y toucher. Depuis ce matin, son petit baluchon reste à côté de son lit, avec sa branche de lilas. Elle commence à s'apprivoiser, surtout depuis qu'elle se rappelle la belle dame qui l'avait secourue à la crèche de Vanves. Elle a vraiment quitté son air buté. Elle est déjà moins sauvage, moins facile à effaroucher depuis qu'elle sent qu'on l'aime. Je suis heureuse d'avoir cet enfant près de nous, d'admirer sa douceur, sa gentillesse. Comme toi, il me semble que si c'était notre rose aimée, je ne pourrais pas l'aimer davantage. Et comme toi aussi, je m'en fais le reproche. Dieu, qu'il est cruel d'aimer un enfant et de l'aimer avec des remords. Dire pourtant que voilà une petite malheureuse, sans famille, sans affection, sans rien, ni personne au monde. Un hasard providentiel la remet sur notre chemin. Nous nous mettons à la soigner, à l'aimer comme... Adrienne, ma douce amie, je complète ta pensée. Sur le pont neuf à Beaujoie, on ne faisait pas voir la lune. Henri se dit, il fait noir, si j'allais chercher fortune. Mais au moment de s'en aller, il s'écria, pas de bêtises, mon cheval se fait ramasser. Et demain, je ne veux pas qu'on me dise, Henri IV a découché. Oui. Car depuis la nuit dernière, son cheval est en fourrière. Qu'est-ce qu'il veut aller le chercher? Henri IV a découché. Regarde, la jolie fleur dans le bassin. Aide-moi à l'attraper. Attends, attends. Doucement. Madame, ce n'est rien, madame. Je l'ai rattrapée. Elle est un peu mouillée, c'est tout. Ça va? Oui. Vous voyez, madame, j'ai pas lâché ma fleur. Frisette. Oh, elle était si jolie. J'ai voulu vous l'offrir. Vous êtes si bonne pour moi. Mon enfant, vous êtes gentille, bien mignonne. Et je vous remercie, mais je vous défends de commettre de pareilles imprudences. Si le malheur avait voulu que je... Nous sommes responsables de vous. Et que répondrais-je au cas où l'on viendrait vous réclamer? Oh, madame. Madame, si je m'étais noyée, vous m'auriez pleuré. Parce que vous êtes bonne. Bonne comme il n'y a personne. Excepté Monsieur Jean. Et mon bon tonton Tommy. Mais ça aurait mieux valu tout de même. Pour moi. Ne dites pas ces choses affreuses. J'aimerais tant que tu m'appelles maman. Je n'ai été aimée que par mon pauvre papa Garin. Et par vous trois, c'est vrai. Mais si vous me rendez aux gens qui viendront me prendre, Fifine apprendra peut-être où je suis. Vous pourrez être sûre que je serai très très malheureuse. Car on me réclamera à vous pour me faire du mal. Nous vous défendrons, mon enfant. Il n'en sera plus comme par le passé. Et si vous commenciez par changer de vêtements? Allez, vite, vite! Pardon, monsieur. Un monsieur demande monsieur personnellement. Il prétend, monsieur, que monsieur l'attend. Voulez-vous m'excuser, Adrienne? Monsieur Jean Robin, mes respects. Ah, Ragdal. Enfin. En effet, monsieur. Je n'ai pu répondre plus tôt à votre aimable invitation, quoique un peu tapageuse, parce que depuis des années, je vis à l'étranger. Oui. Permettez-moi de vous présenter cette jeune personne, Rose-Aimée, votre fille. Bonjour, mon père. Votre enthousiasme me confond. Depuis que je recherche ma fille, mademoiselle n'est pas la première prétendante à ce titre. Ah, elle vous ressemble. Blonde, les yeux bleus. Un peu mince, vos preuves. Ça, j'en ai d'autres. Irréfutable. En ce qui vous concerne, je devrais commencer par vous faire arrêter. Drôle de façon d'encourager les bonnes volontés. Je l'avoue, je ne m'attendais pas à semblable accueil et votre cher enfant non plus. C'est vrai, ça. J'étais tellement heureuse de venir ici. Mon enfant, voulez-vous nous attendre dans le petit salon à côté? Monsieur. Sylvain, voulez-vous prier madame de descendre? Bien, monsieur. Monsieur Ragdal, si vous pensiez toucher de l'argent facilement, déchantez. Je vous félicite d'avoir accompli votre devoir, tardif sans doute, mais enfin à votre simple devoir. Permettez. J'ai eu des frères. Elle m'a coûté la gosseline. À qui la faute? Si vous n'êtes pas l'auteur principal du rapt, vous en êtes du moins le complice. Bah, comme vous y allez. Je n'ai su la vérité que récemment. Le comte de Charmeuse m'a apporté cet enfant dont il ne voulait pas charger pour des raisons personnelles, sans me les préciser, en me priant de veiller à son éducation. Bon. Je l'ai confié à une de mes amies de Belleville, une veuve d'excellente réputation, mère d'une famille nombreuse, Joséphine Chopin, qui l'a élevée comme sa propre fille. Et elle est décédée, il y a 3 semaines, usée par le travail et le manque de nourriture. Tiens, bizarre. Oui, oh, monsieur, ne portez pas de jugement téméraire. Si je ne puis vous présenter cette admirable mère de famille, vous pourrez tout à loisir interroger ses enfants. Bien, bien, monsieur Ragdal, j'y compte bien. Oui, sans oublier Julie, l'ancienne femme de chambre de madame Adrienne, la sage-femme. Parfait. J'ai promis une fortune royale à qui me ramènerait ma fille ou même m'aiderait à la retrouver. Je ne m'en dédie pas. Mais il est de mon devoir de prendre toutes les précautions possibles contre une erreur involontaire ou sciemment commise. Ouais. Oui. C'est tout naturel. Alors, je la ramène. Elle va être déçue. La pauvre mignonne. Écoutez. Vous affirmez qu'il s'agit de ma fille. Ah. La place légitime et naturelle de Rose-Aimée est ici. Sitôt que j'aurai contrôlé l'exactitude de vos informations, j'aurai le plaisir de récompenser votre action comme elle le mérite. Oui. Que me voulez-vous, mon ami? Je vais pouvoir jouer avec la petite fille? Mais certainement, ma mignonne va la rejoindre, tu peux. Oui. Monsieur, nous avons recueilli cet enfant nommé Frisette. Il y a quelques jours, son père était un cheminot nommé Garin, tué par erreur dans les environs. Nom de Dieu, j'arrive trop tard. Ils ont adopté leur propre fille, apparemment sans le savoir. Va falloir jouer serré. Merci du renseignement. Que se passe-t-il, mon ami? Ma chère Adrienne, je vous présente Monsieur Ragdal. Madame. Ah. Et cette fillette que vous avez croisée... Les lilas sont fleuris au jardin de mon père. Les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde ont-ils fait le nid. Pourquoi tu chantes toujours cette chanson? Tu le fais exprès? Au jardin de mon père. C'est moi qui suis chez mon père. Mais le jardin de mon père, c'est celui de mon papa Garin. C'est la dernière chanson qu'il m'a apprise. Papa Garin, toujours papa Garin. Il me court, ton papa Garin. Comme s'il pouvait avoir un jardin, ce moins que rien. Et puis tiens, voilà pour t'apprendre à fermer ton clapet. Oh. Papa Garin n'était pas à moins que rien. Il m'aimait. À preuve qu'il m'a tiré de Fifine, la méchante femme, et de Roculo, qui ne cessait de me battre. Roculo? Tu connais Roculo? Ben oui, fils à Fifine. Aussi méchant que sa mère. Quand il est parti, Il m'a volé mon genêt. Ton genêt, c'est bien fait pour toi. Et puis t'as pas le droit de porter une aussi jolie robe que moi. Enlève ça tout de suite. Aïe, donne-moi ça. Aïe. Frisette, ma petite Frisette. Rosemée, pourquoi frapper cet enfant et lui déchirer sa robe? Que vous a-t-elle fait? Elle se croit chez elle, ma parole. C'est pour me narguer qu'elle se promène toute seule dans les allées en chantant au jardin de mon père. C'est moi l'héritière. Ma mère, rappelez-lui une fois pour toutes ou virez-la dehors. Suis-t-il votre fille ou pas? Calmez-vous, mon enfant. Ma fille, pourquoi êtes-vous si méchante avec Frisette qui ne demande qu'à vous aimer? Une sainte nitouche qui veut se faire aimer plus que moi. Une intruse qui n'en veut qu'à votre argent. Ceux qu'on aime, Rosémée, ne sont pas des intrus. Vous voyez bien que vous l'aimez mieux que moi, ma mère. Tonton Tommy, Tonton Tommy, Tonton Tommy, où es-tu? Attends-moi, Tonton Tommy. Ma fille, allez-vous aussi chanter avec Tommy? Oh, avec ce négro? Je m'en voudrais. Je vais à la balançoire. Mon Dieu, est-ce que je suis une mauvaise mère, Hélène? J'avoue, ma chère Adrienne, qu'il est difficile de s'attacher à cet enfant. Dès le premier contact, elle s'est montrée sous son aspect des moins favorables. Elle a un regard sournois qui me déplaît. C'est ma fille, Hélène. Ne vous prononcez donc pas avant la confrontation avec les témoins de ce ragdoll. Ma chère amie, pourquoi douter de leurs paroles? J'en connais déjà deux, Julie et la sage-femme. Quel dommage que Jean Bridecourt n'ait pu remettre ce déplacement de 48 heures. Ce n'est pas grave. Les deux enfants sont à l'abri. Nous serions fixés. Je n'imaginais certes pas ainsi le retour de Rosémée. Soyez patiente, ma chère. Jean et Patrice rentrent en fin de journée et verront ce ragdoll demain. Il est de fait que Rosémée ne peut s'empêcher de se rendre odieuse. Tout en simulant l'innocence, elle donne libre cours à une sorte de méchanceté innée. Pourquoi vous en étonnez? N'est-ce pas le résultat de son éducation dans des conditions plus que difficiles? La misère ne rend pas tendre. Et Frisette, elle non plus n'a pas été élevée dans une institution. Elle est douce et aimante comme moi. Non, je ne sais pas, Hélène. Comment puis-je m'expliquer? J'éprouve quelque chose d'indéfinissable. Il y a en moi quelque chose de sec et de froid vis-à-vis de ma fille. Je ne parviens même pas à la tutoyer. Je suis tellement attirée par Frisette. Un élan du cœur à l'état pur. Peut-être suis-je trop exigeante, en effet. Comme la réalité est loin du rêve. J'aurais été tellement content que ce soit toi la fille de Madame Adrienne plutôt que ce vrai choléra. Oui, v'là le choléra, v'là le choléra, v'là le choléra qu'arrive. Vrai choléra. Je suis une vagabonde comme mon papa Garin qu'on a tué parce qu'il coupait une branche de lilas qui n'était pas à nous. Rosémée s'était réjouie en son cœur du retour de la fille de celle qu'elle n'ose plus appeler Maman Adrienne. Mais devant le mépris de l'orgueilleuse sucre d'orge, qui se croyait devenue châtelaine, Rosémée éprouva le besoin irrésistible de se raccrocher au souvenir de celui qu'il avait tant aimé. Elle courut jusqu'à sa chambre, et là, comme chaque fois qu'elle se sentait seule, bien seule, elle ouvrit un petit coffret, cadeau d'Adrienne, et elle en sortit la branche de lilas au feuillage fané, aux fleurs déjà sèches. Mais Sucre d'Orge, qui ne désarmait jamais, toujours à l'affût d'un mauvais coup contre sa victime, Sucre d'Orge l'avait suivi, et tandis que Rosémée s'abîmait en la contemplation muette de sa relique, l'infernale créature bondit et, d'un geste rapide, elle jeta la branche de lilas par la fenêtre. Petite vache! Oh, Frisette. Tommy, mon bon Tommy. Tiens, ma Frisette. Si tu savais, Mais voilà, ça va. Je l'ai rattrapé, ton lilas, avant que le vent ne l'emporte de l'autre côté du fossé. Là, calme-toi, ma frisette, tu vois. Hein? Ça sert parfois d'être un géant dont on se moque. Ma petite vagabonde. Moi aussi, je suis un vagabond. On s'entend si bien tous les deux. Peut-être à cause de ça. Reculons! Le cri de ralliement de Reculo, le fils de Fifine! Il y a quelqu'un dans le fossé, là. Reculons! Oh, c'est bien lui! Il me recherche! Oh oui, Tommy, je vais partir tout de suite, quitter la maison. Je vais chercher mon baluchon et on s'en va. Je vais chercher ma besace de victuailles pour les copains de la tour de Montlhéry. Oui. D'accord? Hein? On se retrouve devant la grille. Ah oui. Du château, près du petit chemin. Ma chambre est juste au-dessus. Dac. Planque-toi de l'autre côté de la route, derrière le massif de framboisiers. À 10 plombes. J'ouvre ma fenêtre. Je suis bon petit oiseau, moi. C'est haut, Taturne? Bah, pas mal. Te fais pas de mouron. Je barbote une échelle de corde à la salle de gymnastique. Ouais. Ah, à tout à l'heure, mon roquet. Vu, à 10 plombes, hein. Masse de rigolade. On s'en va pour toujours. Madame Adrienne aura de la peine. Elle a retrouvé sa fille. Je suis plus à ma place. Et qu'est-ce qu'on fera? On ira sur les routes. Au lieu d'être avec mon bon papa Garin, je serai avec mon tonton Tony. J'ai gros cœur de m'en aller. Que veux-tu? C'est la vie. Oh, tonton! Oui. Oh, regarde! Près de l'arbre, le petit chien. Oh, il a l'air si triste. Comme il est maigre. Oh, n'aie pas peur. Te sauve pas. Pili. Pili. Allez, viens. Viens, Pili. Il a faim. Hein? Viens, Pili. Pili. Pili. Allez, viens. Viens. Tiens, donne-lui ce morceau de poulet. Oui. Pili, Pili. Pili. Qu'il est mignon. Pili. Viens, Pili. Et ce drôle de nom de Pili lui resta. Adieu, Pili, petite chienne. On s'était trouvé dans la rue, la nuit. Elle était accourue. Emmène-moi, je serai tienne, avait dit le bon petit chien. Tu verras, je t'aimerai bien. Veux-tu? Je ne suis à personne. J'avais adopté la mignonne. Et pendant 15 ans, chaque jour, elle fut la petite bête qui vous attend et qui vous fête, qui vous dit bonsoir et bonjour. La petite bête qui lèche la main, hein, les yeux, les bons yeux, toujours content, toujours joyeux, les jours d'opulence et de dèche. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stine, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 23e épisode, avec Jean-Roger Cossimon dans le rôle de Bruand, et Monique Thierry, Adrienne, Pierre Constant, Jean Robin, Francine Bouffard, Rose Aimée, Dominique Paturel, Ragdal, Martine Régnier, Sucre d'Orge, Manuel Dexette, Tommy, Janine Darcet, Hélène, Rosine Favet, Roculo, Jean-Jacques Stein, Garin, René Renaud, le journaliste. La rue Saint-Vincent, par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouly et Jean-Paul Charlap au banjo. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Ces épisodes, les 22e et 23e, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 29 et 30 septembre 1981. À suivre, et à suivre donc les deux derniers épisodes. Mais d'ici là, vous pouvez télécharger tous les précédents épisodes de cette série sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission Les Nuits de France Culture.